Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone de Danny Veilleux. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional d'abord en parlant des Saguenay de Chicoutimi. Les Saguenay qui l'ont emporté hier par la marque de 5 à 3 sur les remparts de Québec. Le Russe Vladimir Kotkov a été le meilleur avec une production de 3 buts. Il y a Vincent Tremblay-Lapalme, un but de passe, et Félix-Antoine Marcotti qui a marqué également un but. Au tournoi maintenant, Atome-Pee-Wee qui se déroule actuellement au complexe sportif secteur de Mississinie, ben, verdict nul de 1-1 entre les Hurricanes de Mastuyache et les Éperviers de Normandin dans la catégorie Atome-Bay. Il y a les Genois d'Allemagne et les Loups de Debout-Mississinie qui sont livrés un verdict nul de 3-3. Et dans le Pee-Wee, il y a les Bulldogs de Saint-Félicien ont vaincu les Loups de Debout-Mississinie 3-2. Tim Tremblay de St. John Dock va débuter en fin de semaine sa saison sur le circuit Isaac Racing aux États-Unis. Tim Tremblay qui a mentionné dans un premier temps qu'il était quand même déçu un peu de sa préparation en début de saison, en raison évidemment qu'il y a eu des problèmes de mécanique. Ben écoute, j'ai hâte que les courses commencent. Ça a été un début de saison quand même un petit peu difficile pour moi. Là. J'ai eu une chute là, il y a deux semaines que tu m'as comme retardé une dizaine de jours là, que je pouvais pas rider. Donc tout ça il remet en place. Puis là, on s'est entraîné quelques fois avant la première course. Mais on va tout donner pareil pour la première course pour être sûr qu'on soit pas trop loin au championnat puis essayer de faire du mieux qu'on peut. Ben écoute, c'est sûr que moi je m'en vais là pour gagner. Même si j'ai pas eu de la pré-saison que je voulais, je m'en vais là pour gagner. Puis c'est ça que je veux faire cette année, là, vraiment gagner le championnat. L'année passée, ça a vraiment fait mal au cœur de perdre mon championnat à la dernière journée. Dernière fin de semaine avec un bris mécanique, fait que cette année, j'ai le couteau entre les dents, puis je veux gagner. OK. Tim Tremblay est content de sa saison en motocross cet été. Ouais, ça a quand même bien été. J'ai terminé en 8e place là, au championnat canadien. C'est certain que j'aurais aimé mieux faire mieux que ça. C'est plate quand tu fais des positions 6, 7, 8 comme j'ai fait toute l'année, mais le calibre était vraiment fort. Ça faisait quasiment 10 ans que j'avais pas fait le championnat au complet. Donc je suis quand même content d'avoir terminé sur mes deux roues, mais c'est sûr que j'aurais préféré faire plus que ça. OK. Je vous invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, je me suis entretenu avec Tim Tremblay de St. John Dock, où il parle évidemment de sa saison sur le circuit Isaac Racing. Je me suis également entretenu avec Bertrand Hamon, où il parle de son excellent papier sur le RDS.ca, où il parle de Marc Bergevin. Le sport local et régional à danradiosport.com, la référence du sport, on s'en occupe.